Stanley, the drop-dead friend. I never liked him from the beginning. Don't say that. I'm sorry, but if it's the truth, I've gotta say it. And that's what I'm doing. Thank you. que l'on rêvait depuis toutes ces années, de faire ses soins se parler, que d'un finira par se suicider avec une revolver qu'elle avait trouvée dans la rue, Karina. Elle trouvait que c'était politique. Rien ne s'est passé en vain.